Je sais, je me dis trop parce que l'acoustique de la salle ici elle est assez bizarre. Et donc, si on ne parle pas avec le micro, c'est lui qui a la salle. Et on va parler, on va aussi donner des exemples sonores, on va faire trop fort en fait aussi pour ne pas exciter l'exubérance acoustique de Dieu, qui a aussi beaucoup de grave. Mais c'est pas grave. Donc, je me présente, je suis Thierry Lèche. Je suis compositeur avec toi aussi, et je travaille sur. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire, c'est pour ça que j'hésite. Donc, je veux dire, plutôt que je travaille avec des sons, je vais travailler avec du son. Voilà, c'est pas mal. Et je suis à travers du son dans l'espace. Et ça va être un peu le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Je suis venu, donc je suis aussi pareil avec une structure qui est créée très récemment, plus, qui s'appelle Passerelle Arts, Sciences et Technologies, qui réunit les gens qui sont dans la salle d'ailleurs, du monde universitaire, du monde artistique, du monde aussi de l'entreprise, qui milite, donc qui travaille à faire émerger l'idée d'un pôle grand sud-ouest Arts, Sciences et Technologies, qui croise les disciplines, qui sont transversales, et qui met en œuvre donc une action de recherche, et qui relie recherche et création en créant donc des passerelles entre les différents mondes de la recherche et de ceux qui aussi bénéficient de ces recherches et les utilisent, mais aussi dans cet aller-retour entre recherche, expérimentation et création, évidemment, c'est dans les deux sens que ça fonctionne. Et je pense d'ailleurs que ces espaces entre, où chacun peut sortir momentanément de ses logiques, de ses structures institutionnelles, pour aller à cette rencontre et fabriquer ces liens. Donc, c'est un peu l'objectif de Passerelle. Et dans une autre vie, j'ai fondé et j'ai créé le GMEA, qui est un centre national de création musicale, qui est occupé pendant les années de ma vie, dans toute ma carrière. Et ce centre a la particularité, comme tous d'ailleurs les centres nationaux de création musicale qui se sont créés dans les années 80, d'avoir été un peu des précurseurs dans cette volonté de vouloir relier recherche et création, puisque c'est le moteur, le fondateur de ces centres. C'était, parce que c'est en train de bouger, c'était le moteur de ces centres. Et donc, à ce titre-là, j'ai beaucoup collaboré, évidemment, avec des laboratoires de recherche, en particulier sur les outils de l'informatique, évidemment, liés aux pratiques musicales contemporaines. Et aussi, je suis tombé dans la marmite technologique. Pas tout petit, mais presque. Non pas parce que la technologie me passionne, mais la technologie, pour moi, c'est un instrument comme un autre. Et donc, simplement, dans la période du 20e siècle, avec la l'électricité et aujourd'hui du numérique, c'est une évidence de s'approprier ces outils pour leur donner du sens, et si possible, en auditoriser au passage. Voilà. Donc, j'ai beaucoup trouvé aussi la pilotée des projets de recherche, c'est par l'Agence nationale de la recherche. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant du coup aujourd'hui. Ce qu'on avait prévu pour tout vous dire aussi, on avait prévu en fait de faire une séance avec sur la théologique, entre dans la partie artistique, qui est mon rayon, et puis la partie donc cognition, enfin mon rayon, mais qui m'intéresse grandement. Et donc on a invité une personne qui n'a pas pu venir, quelqu'un qui était spécialiste de la façon dont le cerveau perçoit les esprits. Et comme je travaille sur les écritures du sol dans l'espace, c'est parfait, c'est ça qui me faut. C'est un peu clair, mais ce duo, vous le ferez une autre fois, j'espère, c'est parce que je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Et du coup, je vais vous demander, j'ai invité Thibaut Keller, qui est ici, qui est réalisateur informatique musicale au Scream, l'Abri à Grenoble. L'Abri, c'est le laboratoire informatique, recherche informatique à Bordeaux, et le Scream. Et le versant applicatif de ce laboratoire, c'est important, il y a plusieurs sujets de recherche, mais il y en a un particulier qui est, qui est sur la musique, et donc effectivement sur les écritures du son. Et ce laboratoire d'Arri, en fait, lorsque je m'occupais du GMA sur le travail de recherche, c'était notre maison mère, le laboratoire de recherche fondamentale de l'informatique. Donc, nous travaillons toujours en fait, ensemble, et pas seulement à la saison du travail aussi avec l'Arri. On a surtout beaucoup fait exister ces fameux espaces entre où la création a pu se confronter aux outils en développement. Et donc, depuis une quinzaine d'années, en fait, le travail a été mené sur des nouveaux outils d'écriture de l'intermédiaire. Je ne vais pas détailler ça maintenant, mais je vais voir en détail après. Et donc, du coup, si je fais le résumé de ce qu'on propose comme voyage de parcours, on va le faire maintenant, c'est de partir un petit peu moins de l'occupation musicale sur mon histoire à toute vitesse, pour juste poser les petites questions nécessaires pour m'échapper le plus rapidement possible de l'histoire de la musique, pour essayer d'aller vers une autre histoire, qui serait celle des écritures du champ de l'espace, pourquoi je dis ça, de parsemer mon discours de quelques exemples sonores, et on arrivera à un moment donné, évidemment, on aura ce désir d'utiliser l'espace comme moyen d'expression artistique. Donc, on parle au moment-là d'un réseau sur lequel nous essayons tous de travailler ensemble, qui est le réseau de marques, pour être capable de partager de la création sonore à distance, à plusieurs, de pouvoir partager des espaces, pour fabriquer des espaces sonores. Et du coup, ça ne permet pas de faire le lien avec donc, l'application. Recherches qui ont été menées, puisqu'aujourd'hui il y a un logiciel qui s'appelle le nom est un mouvement, en éducation permanente, c'est bien normal. Donc je ne sais plus comment il s'appelle, score, maintenant il s'appelle des scores avec le temps, il s'appelle des virages aussi, il change le nom en fonction de l'avancée des projets, donc aujourd'hui il s'appelle pour l'instant score, qui est un logiciel qui est gratuit, qui est téléchargeable gratuit, comme si on s'en sert sur le public évidemment. Donc il est téléchargeable, c'est un logiciel que Thibaut vous présentera avec le dernier cri, l'état, les possibilités, les enjeux. Et cet outil, évidemment, en tout cas, correspond, puisqu'il a été défini par toutes ces expérimentations menées, correspond donc aux besoins de nouvelles écritures que l'on rencontre. Mais je vous dis, je pourrais la conférence là. Alors peut-être, du coup, comme on avait annoncé ça comme une conférence musique, je ne vais pas du tout faire une conférence musique, je vais quand même partir de la musique. Donc de la musique du XXe siècle, mais ça, je m'excuse pour ceux à qui je vais faire des redites, hein, je présuppose que c'est bien de toute façon dans la conscience de l'écouter de ces extraits. Je vous propose de démarrer par une écoute de grand compositeur du XXe siècle qui s'appelle Edgar Varèse. Pourquoi je fais tout ça? Parce que c'est un des. Bon, c'est pas le seul, parce qu'on considère que l'œuvre qui s'appelle Dionisation, qui a été composée en 1936, puis lorsqu'elle a été jouée, créée en 1936 à Paris, a fait un immense scandale, parce que pour la première fois de la musique occidentale, du coup, un compositeur crée une pièce uniquement que pour un ensemble de percussions. Donc il supprime tout ce qui fait l'intérêt, pas tout, parce qu'on a la pression liée à l'instrument qui fait la mélodie, mais il décide quand même de mettre de côté la relation traditionnelle de la mélodie, de la polyphonie, donc de celle de la hauteur, donc au profit de la percussion, où certaines percussions font des feux, et certaines percussions font du bruit. Lorsque le bruit, c'est-à-dire, au sens physique du terme, quelque chose qui contient beaucoup de fréquences, et dont on n'est pas capable de donner une hauteur précise. Donc, dans cette pièce de l'harmonisation, outre, c'est difficile de le resiffler. Quand on écoute une harmonisation, c'est un peu compliqué de le resiffler. Parce que l'harmonie, c'est pas évident. Donc, il faut d'autres repères, la nuque, par exemple, pour pouvoir s'y retrouver. Et cette pièce de percussion, il a fait une deuxième chose qui est intéressante, qui est dans l'histoire de la musique, c'est qu'il fait dialoguer ces instruments de percussion avec une sirène d'usine. Ça, c'est intéressant, parce que, en 1926, quand on écoute la musique, on n'a pas le droit de faire des sirènes, c'est comme ça. Parce que là, on a fait une marche d'escalier, il y a la hauteur, elle est divisée en certaines longueurs, la corde guitare, ou les cordes de piano, etc. Et donc, on a des marches d'escalier, hein, qui sont à gamme, notamment, peu importe comment on attend, peu importe si on met des dièses ou des bémols, c'est quand même un découpage de la hauteur que notre oreille peut entendre. Or, notre oreille est évidemment capable d'entendre tout un champ de hauteur, entre deux et deux dièses, il y a 16 sons que l'on peut encore entendre, certes, c'est des lignes, mais on peut les entendre, mais moi, et puis surtout, comme font les enfants avec les tourments, on peut s'amuser à glisser. Évidemment, entre deux et deux dièses, on peut même s'amuser à prendre largement le temps, une heure si on veut, pour glisser entre autour de nous. Donc, l'introduction de la sirène dans l'actualisation de la reste, elle fait ça de ce point de vue-là, puisqu'elle introduit ce que plus tard Xenakis a appelé le glissandie, donc le pouvoir glisser d'une note à l'autre et d'utiliser ça comme une matière sonore à part entière. Donc, trois choses dans ce petit extrait. Alors, selon le point de vue dramatique et génial pour la base de la musique, c'est qu'on introduit tout d'un coup la notion du glissandie avec la sirène, et deuxièmement, l'introduction du bruit avec alors, un vrai bruit en plus, puisqu'il y a un instrument à percussion, qui est en fait un instrument à friction, qui est un tambour à friction avec une membrane, une corde, une ficelle qui est accrochée au lion, on met la main, on tire sur la ficelle, et ça imite le rugissement du lion. Donc, dans cette pièce, on a ces trois choses-là, le rugissement du lion, un bruit qui est tout dans la musique, la mélodie qui a un coup, et puis cette fameuse sirène, ça faisait beaucoup, d'où le scandale. Donc, il aurait juste rappelé, mais je te rappelle là, presque, on aurait écouté ça. C'est une interprétation de Boulez. C'est une interprétation de percussion de Strasbourg, mais qui est un peu trop gros dans le mouvement. J'ai choisi ça. Au niveau des machines qui sont là, donc Pierre Schaeffer lui les chargés de la recherche à la radio. Parce que la radio, à ce moment-là, il faut l'inventer. Donc, il y a des services de la recherche, un vrai service de la recherche, qui cherche la façon d'inventer le langage radiophonique. Ce service de la recherche, l'héritier de la recherche, c'est l'Institut national audiovisuel qui était à l'origine d'un réseau de recherche, qui ne l'est plus. Vraiment, aujourd'hui. Et l'exploitant toujours le groupe de recherche musicale, le GRM, qui lui est toujours attaché à Radio France et bénéficie toujours donc, de l'économie de la radio pour développer la recherche musicale en France. Et donc, en 1948, Pierre Schaeffer, donc, avec quelqu'un qui le rejoint très très vite, c'est Pierre Henry. Pierre Schaeffer étant du coup le théoricien et Pierre Henry le musicien, eux posent à la musique, et du coup c'est dans une corollaire un petit peu en tout cas de la questionnement de Varèse aussi, posent le concept de l'objet sonore, qui est tout à fait aussi nouveau à ce moment-là. Ce concept de l'objet sonore, le fait de pouvoir le poser, c'est que, évidemment, ils disposent de machines d'enregistrement du son. Ça aussi, c'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité. Du coup, on peut enregistrer le son et on peut évidemment le mettre dans une petite boîte, puis le ressortir et le réécouter autant de fois qu'on veut. Et chaque fois qu'on le réécoutera, moi, je ne serai pas pareil, mais le son, lui, sera pareil. Donc, ça, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir tout le son qui est enregistré, de pouvoir, du coup, ce qu'ils ont fait très rapidement, faire ce que font les DJ aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire de faire exprès de rayer des disques, ce qui était d'ailleurs très facile à faire à l'époque, puisqu'on gravait avec un micro très rudimentaire, qui était juste un bout de carton avec un petit trou à l'intérieur. On allait graver directement sur la cire le sillon, et donc pour avoir un disque correct, il fallait régler 10, 20, 30 disques avant d'avoir quelque chose qui au début n'est pas sauté, parce que si on poussait, si on chantait trop fort, ça faisait sauter. Ça rayait des disques, donc il y avait ensuite des piles de disques rayés qui ont été utilisés pour fabriquer ce qu'on appelle les premières musiques concrètes, donc en utilisant donc des boucles de sons enregistrés. Et en utilisant ces sons en boucle, évidemment, le fait de répéter le son sur lui-même, on s'aperçoit très vite qu'au niveau de la perception, le sens premier ne nous intéressait plus. Que notre oreille a reconnu le sens premier, elle allait s'intéresser à d'autres phénomènes rythmiques, de harmoniques, etc., que la musique répétitive, quelques 20 années plus tard, évidemment, a exploité et utilisé. Moi, je voulais juste faire écouter ça, aussi un petit extrait donc, voilà, c'est la première musique que l'on ait enregistrée, le concert de Louis de Pierre Schaeffer, en fait. Alors c'est fait, il faut s'imaginer le tour de disque et c'est bien avec les techniciens, chacun disque sur le tour de disque et puis à la table de mixage, on mixe les choses en train, ça a été fait comme ça. Le premier concert a été fait à l'École normale supérieure de Paris, le Rodume, dans la cour de l'école, dans 1948, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Le premier concert de Paris. D'articuler un discours, alors est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est pas de la musique, Il y a une tâche originelle, c'est que lui, il a appelé musique concrète. Et pas concrète parce qu'il utilisait des sons du quotidien, des sons de casserole, contrairement à ce qu'on décrit les critiques du monde à l'époque, qui écrivaient ça, qui disaient, ah, c'est la musique de casserole. Quelque chose qui est resté, qui a collé d'ailleurs à ces musiques concrètes jusqu'à encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça se dit. Alors que Schaeffer a employé le mot concret pour désigner l'attitude de l'écoute. Puisque c'était des sons enregistrés, puisqu'on pouvait enregistrer tous les sons du monde, tout ce qu'on voulait en termes de bruits, comment je peux écrire ces bruits, comment je peux noter ces bruits, comment je peux imaginer ces bruits avant, et comment je peux écrire le musique avec sa mère, je ne peux pas. En tout cas, perdu, je ne peux pas. Donc, comment je peux faire? Il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute avec moi, concrètement, avec mon oreille, pour choisir le son. Et c'est pour ça qu'il appelle ça musique concrète, en inversion de la démarche habituelle de la musique écrite, qui part d'un code abstrait, qui est écrit, ce code abstrait est connu, su par l'instrumentiste qui va jouer la note écrite qu'il voit, et qui va donc avoir une démarche qui va être l'abstrait, le code écrit, la partition concrète du son joué par les musiciens. Alors que de la musique concrète, on part concrètement de l'écoute pour choisir le son, pour articuler le son, ensuite plus tard un studio, et on en fait une articulation abstraite. En ce sens, ça rejoint aussi les préoccupations de la rituelle de des arts plastiques à cette pagode-là, de par le collage, etc. Donc voilà, donc du coup, je ne sais pas, je vais faire une seconde de ça, quand même, plutôt mon colline. Je m'interroge sur peut-être une erreur historique. celle d'avoir posé le débat, d'avoir introduit ces recherches sur les pratiques dites donc électroacoustiques à l'époque, puisqu'elles utilisaient cette technique-là, d'électricité et d'acoustique, d'être restées dans le champ du musical, d'une part pour les explorer, et d'une part pour en restituer une histoire. Est-ce que c'est pas une erreur d'avoir fait ça? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réinterroger cette histoire et du coup de s'inscrire nouvelle en plaçant ce phénomène du sonore en dehors de tout champ, en dehors de toute histoire, donc ne pas aller chercher l'histoire de la musique pour justifier cette démarche de recherche, mais essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qui la caractérise au fond vraiment et qu'est-ce qui pourrait peut-être en faire une expression à part entière. Le cinéma a su, quand il a inventé l'image, il n'a pas fait le cinéma en plein air en pleine soirée, mais il a dit je vais mettre ça noir et la salle sera noire, pour une heure, je mets un écran, je projette dessus. Ça s'appelle le cinéma. Cette pratique avec les sons, de tous les sons possibles pour articuler de quelque chose, etc., n'a pas peut-être su encore trouver ni son langage, ni son espace. C'est pour ça que j'essaie de réfléchir à ça avec lui aussi là-dessus. Souvent, on se pose la question de peut-être la possibilité d'un théâtre de son, non pas du théâtre sonore, non pas du théâtre musical, qui n'est pas encore dans l'histoire de la musique, de l'introduction de son réaliste à l'intérieur de la musique, par exemple, ou d'objets ou de corps sonores autres qu'instrumentaux qu'on intègre à l'orchestre, mais d'essayer de se démarquer comme dans cette histoire pour essayer d'en réfléchir une autre et de parler plutôt d'un théâtre de son. Pourquoi un théâtre de son? Théâtre au sens où, comment cette musique a été donnée à entendre dans les années 48. Cette musique a été mise sur des supports, sur des disques, plus tard évidemment sur la magnétique, puis aujourd'hui sur les ordinateurs. Dans cette musique, aujourd'hui, on ne peut pas faire en direct. Ce n'est pas possible de faire en direct. Et donc, la manière de faire entendre cette musique, c'était de très vite, ça s'est imposé, d'amener le haut-parleur comme un instrument de spatialisation de cette musique, comme un instrument donc de construction de l'espace. Et en fait, sa vraie originalité, il me semble que c'était celle-là. Parce que tout d'un coup, dans cette possibilité donc, du coup, de l'emprunter, de fabriquer, de réaliser des sons, de pouvoir les projeter ainsi dans l'espace, c'était une caractéristique formidable, qui est toujours formidable, qui est extraordinaire. Et c'est peut-être la vraie caractéristique de cette possibilité du support, de pouvoir permettre de travailler, de sculpter ou de modeler le son dans l'espace. Et du coup, au théâtre, c'est que le théâtre, c'est une salle vide. Comment on sait le théâtre? C'est les chaises sont vides, le plateau est vide, il n'y a rien. Dans l'espace, il y a une qualité acoustique, il y a une qualité visuelle, etc., bien sûr. Et dès qu'on va occuper la foule dans ce théâtre, ça va devenir un lieu, la manière dont on va habiter ce théâtre, par le corps du comédien, par le texte, par une mise en place, effectivement, d'une écriture du son dans son espace, justement, pour le modeler, pour le sculpter cet espace. Et donc, l'électroacoustique, en fait, je pense que Picard en fait, ne fait explorer que ça, tout ce champ-là. Seulement, c'est extrêmement certainement à la nécessité, c'est forcément nécessaire, bien sûr, de se rattacher à cette histoire de la musique. Et du coup, voilà, moi, ça, je vais essayer de progresser un peu pour essayer d'interroger, de sortir ce fameux son en tant que matériau, de sortir l'histoire de la musique, de sortir de sa logique d'écriture musicale pour pouvoir aller voir ailleurs, là où il est. Et voir du coup aussi comment on peut écrire cette histoire d'espace et qu'est-ce que c'est au juste. Et du coup aussi, évidemment, on regarde ce qui, en tout cas, nous, j'ai du travail sur cette éloge, sur tout ça, sur le fort intéressé pour savoir aussi, évidemment, comment du coup notre cerveau perçoit ces espaces. Pour tout l'exemple, on va te voir qu'il y a plein de questions qui se posent et qui amènent presque une nouvelle grammaire, petit à petit, et plutôt sur l'espace à inventer. On y travaille beaucoup du coup. C'est une marque d'intuité, par exemple, d'autres acteurs qui travaillent. C'est un champ nouveau qui a depuis quelques années, qui reste encore beaucoup à développer et à chercher. Alors justement, par rapport à ça, justement, si je m'échappe quelques instants de cette histoire du matériau, si je veux un matériau sonore en tant que tel, déjà, c'est un petit extrait là de... L'oreille, c'est ce qui aide à la mémoire. premier contact de la mémoire, c'est l'oreille. C'est ce qui permet d'emmagasiner les choses et ensuite de les restituer. Je vais sortir un petit clin d'œil. Ça, c'est extrait d'un travail sonore de Dr. Alain Sandbeck sur la Corse. Il recueille comme ça, on fait des choses, il recueille comme ça des paroles aussi. Donc, l'oreille, c'est la mémoire. Quand l'entend, qui écoute, qui me dit ça, on se rend bien compte que dès que l'on va chercher des matériaux sonores connus, qui nous rappellent quelque chose, etc., évidemment, que l'on met en œuvre la mémoire, si par exemple, évidemment, j'ai fait monter des choses comme ça. Et encore dans cette situation. qu'on a pu adresser la TAC, la résonance. C'est-à-dire qu'il y a un TAC, une Jung, on a pu avoir un Jung, TAC. Donc déjà, tout est rapporté. Dès qu'il y a l'enregistrement, l'espace est... Oui, ça a duré pendant des pièces. Le temps de la réduction de temps, comment changer cette question. Il y a autre chose aussi que je n'ai pas dit, mais on en parle aussi là, c'est le très important aussi, je trouve, qui fonde aussi cette manière de représenter l'espace, c'est le micro et le haut-parleur. C'est la relation entre le micro et le haut-parleur, et le haut-parleur considéré comme un instrument de jeu possible, il faut bien aller sur le compositeur, bien sûr, mais surtout comme un outil de déplacement, comme un outil de transport du son. Alors, entre le micro qui est ici, dedans, on entend en stéréo, mais on ne peut pas faire écouter que sur le haut-parleur pour des raisons techniques. Mais si je suis sur le haut-parleur, en fait, je suis que là-dessus. On pourrait très bien, donc, moi par ici, mettre un haut-parleur dans la cour. Et donc transporter d'un seul coup mon son d'ici à là-bas. La notion de radio, entre un émetteur qui est un studio et un récepteur qui est à distance, qui est ailleurs, évidemment, c'est un espace entre les deux. D'ailleurs, ce propos-là est tout assez rigolo par rapport à la perception, en tout cas, de Yann Parentouen, qui est un créateur de radiophonique, à la belle époque de la radio, des actuelles créations radiophoniques, beaucoup de créations radiophoniques, de se questionner sur cette idée assez marrante, il se disait, si c'était à un moment donné l'arrivée des radios locales, mais lui, il disait, si on a la même vie, l'émetteur et le récepteur, c'est Radio Toulouse, etc. Il y a une trop grande proximité entre l'émetteur et le récepteur pour permettre, il n'y a pas cette distance quoi, géographique, pour permettre à notre imaginaire d'y croire quelque part. Alors que si effectivement on a, je pense aux ondes courtes, alors sur les vieilles radios à lampe, j'ai passé des nuits sur cette route-là, il faut essayer d'écouter, aller chercher des ondes courtes qui disparaissent, la voix revient, s'en bas, en flux, etc. Sur ces radios à lampe, il y a une espèce de aussi, il y a des milliards de kilomètres dans la Terre. Donc, l'espace mental qui se crée entre le fait du micro, d'un émetteur et d'un récepteur, le haut-parleur ou la radio, déjà crée des distances imaginaires. Quoi. Et la rapproche ou l'éloigne selon la qualité du son. Et d'ailleurs, il y a cette petite pub sur ce sujet qui me fait toujours marrer, qui est toujours d'actualité, c'est des pubs d'Orange. Quand le téléphone portable, tout le monde braille et continue à brailler de ce téléphone sur lequel on appelle le plus que son voisin, en disant même si vous parlez à quelqu'un qui a des centaines de kilomètres, merci de ne pas hurler. Or, on veut tous, quoi. Dès qu'on a quelqu'un qu'on appelle web, on hurle. Ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose lors de la mémoire qui nous manque tous à faire. Voilà. Donc, ça, c'est cette histoire de distance, de créer le rapport entre le micro, parce que faire un téléphone, c'est un micro, hein, l'eau-parleur et puis un émetteur, un récepteur qui part, qui reçoit, il y a donc une distance imaginaire qui est intéressant, qui et d'explorer. Donc du coup, si je vais bien parler si je fais écouter ce petit extrait de Jean par Antoine pour montrer au niveau de la pratique, en tout cas, du micro et du haut-parleur, comment on a commencé à réfléchir et à extraire du coup cette caractéristique d'espace. Donc évidemment, la traduction de ça pour, en tout cas, la radio, les supports, quoi que ce soit, etc., c'est la fameuse mono. La fameuse stéréo, parce que je parle en mono, j'ai une bouche, je m'adresse à vous. La référence, je n'ai qu'un haut-parleur qui m'amplifie, je suis à mono. Une voix, un haut-parleur, un émetteur, un autre émetteur, mais vous, les récepteurs, c'est deux oreilles. Donc au début, on avait la mono, un micro, un haut-parleur, et on se dit, c'est quand même bizarre de faire ça, puisque ça s'avérait quand même les années 40, les années 60. Les années 60, on a dit, on a quand même deux oreilles. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les deux oreilles, évidemment, c'est la distance qui est entre les deux qui nous permet en effet de percevoir l'espace, la sensation de l'espace. Et donc, on a décidé de mettre deux micros pour enregistrer, de mettre deux haut-parleurs en stéréo. Et quand on a fait ça dans les années 60, on a dit waouh, l'espace, c'est super top, c'est génial. Effectivement, on a cru des années 60 jusqu'à dizaines d'années, peut-être pas à peu près. Donc, vous écoutez d'ailleurs, après ce qu'on a écouté c'est juste pour se rappeler, du coup, qu'est-ce que c'est que la monnaie. Voilà. J'ai un truc de mieux que les Beatles. Non, c'est le dernier disque avant du système stéréo qui a été fait en mono par les Beatles. On va l'écouter sur d'autres parts. Après, c'est dans le mono. Dans une même pensée et une même écriture aussi. Donc là, juste un clin d'œil à Metastasis, justement, c'est ce qu'on est devant. Pourquoi je vous fais écouter ça? Pour deux raisons. Metastasis, c'est une actrice donc, qui pour orchestre. Et dans Metastasis, c'est la première fois où Xenakis théorise. C'est un 1800 que j'ai évoqué tout à l'heure au début, quoi, 17 d'une note à l'autre. Et c'est non seulement, donc là, ce sont des violons qui glissent d'une hauteur à une autre, chacun la partition, une hauteur indiquée en haut de départ, une hauteur d'arrivée, et ça, il y a 100 violons qui glissent à des vitesses différentes, en fait, qui vont avoir pour effet de créer une véritable masse sonore. Et là, on a besoin de Pierre Schiffer qui nous a amené du vocabulaire en généralisant la notion de hauteur. Cette hauteur, c'est une note. Si j'ai deux notes, trois notes, quatre notes, cinq notes, six notes ensemble, c'est un accord. Sept notes ensemble, huit notes, dix notes, 80 notes ensemble, est-ce que c'est encore un accord? Est-ce que mon oreille est capable de discerner, de nommer l'accord de ces sons? Ben non. Et du coup, la proposition de Schoeffer, c'était de généraliser l'idée de hauteur à la notion de masse, en disant est-ce que ça pèse beaucoup, quand il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup de sons. Il y a des glissades de Xenakis, il y en a beaucoup. Il y a une belle masse sonore, donc on peut d'ailleurs décrire, parce que si elle est dense, pas dense, pressée, parce qu'il y a tout un vocabulaire possible là-dessus. Donc je peux t'écouter, je suis dit, est-ce qu'il y a une Metastasis ? Une avancée dans la culture musicale contemporaine, pas Philippe Tess, c'est le pic qui l'introduisait. la chanson. C'est plus comme ça aujourd'hui. Pour la chanson. Donc voilà, dans ce petit parcours pour parler de matériau sonore, en fait, de l'espace qu'il a introduit, etc., il va changer le dispositif. Vous pouvez voir, donc, on va changer juste une seconde de on va passer du coup à mono à la stéréo. Donc la stéréo, on sait bien que la température de la piste, ça rappelle. Donc la stéréo qui, du coup, la crue à une représentation de l'espace, ça n'est une représentation de l'espace, mais une représentation de l'espace en plan. La stéréo, on l'avait vu, elle reste quand même, on reste observateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'espace. Donc tant qu'on n'était pas capable de faire autrement, on voulait bien accepter cette idée que la stéréo c'est un espace. Mais en fait, ce n'est pas un espace, c'est un petit peu l'illusion de le cinéma 3D aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le cinéma de l'espace. C'est une profondeur, quelque chose qui avance de la gauche et de la droite, comme la stéréo. La stéréo peut faire de la gauche, de la droite, on peut passer de l'un à l'autre, on peut s'éloigner, on peut se rapprocher, avancer. Donc voilà, c'est une représentation de l'espace, mais ce n'est pas un espace. Donc depuis quelques années maintenant, plein de lançations de tous les coups, évidemment avec le Dolby, la stéréo et le cinéma, avec les quatre premiers films qui ont mis en place le système Dolby stéréo qui permettait de mieux encore simuler l'espace. Depuis quelques années, il y a plein d'explorations toutes azimutes qui ont été faites dans les années 60, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire la quadriphonie, les distincts quadriphonie, ça n'a pas marché parce que bon, ça n'a pas pris. C'est pas bien le microphone à bande, le microphone à cassette qui a pris le microphone à bande. Les gens, au début, quand Patrick Marconi a sorti ses premiers microphones à bande, il n'avait vraiment pas cher du tout. Il pensait que ça allait faire comme la photo. Les gens s'en emparaient pour faire le souvenir de famille en son. Ça n'a pas du tout fait ça. Quoi. Ça n'a pas marché. Et du coup, ces recherches-là ont été bien plus stoppées parce que commercialement, c'est fait un échec. Et donc, on est aujourd'hui, depuis des années, on travaille sur les nouvelles manières de pouvoir. D'une part, on avait dit, mono, un micro, un haut-parleur, c'était l'autre micro, deux haut-parleurs. On a dit, poursuivons le truc, on ne peut pas trois micros, quatre micros, six micros, huit micros, dix micros, pour enregistrer les mêmes sur ce sonore. Avec beaucoup de recherches ont été menées, il y a eu la pentaphonie, on a essayé de la polyphonie, on a fait de l'hexaphonie. Donc ici, on a monté un petit système d'hexaphonie. Voilà, pour ce qui est de la scène, il n'est pas terrible, on essaie de trouver au mieux. Donc, avec un, deux, trois, quatre, cinq, six haut-parleurs qui vous entourent. Donc on a écouté des prises de son qui ont été faites à l'hexaphonie avec six micros qui sont placés, etc. Évidemment, au centre, à l'heure de la pièce, si on enregistre ici, dans l'axe qui est composé de haut-parleurs, en camembert, hein, par le camembert vegan, avec des angles qui sont égaux, donc beaucoup d'espérance ont été faites pour avoir la satisfaisant, c'est un problème de phase, il y a différents moyens techniques. Évidemment, ces techniques de reproduction, le système, permettent tout d'un coup de vraiment fabriquer du son dans l'espace et de vraiment simuler l'espace sonore. Là, vous allez bien voir qu'effectivement, la stéréo, c'est bien un plan, ce n'est pas du tout un espace, et que tout d'un coup, on peut avoir des outils qui nous permettent donc de simuler les espaces. chasse, comme par exemple. C'était avec des insectes et des lions, bien entendu. Donc, dès que vous avez les choses en train d'arriver dans les chasses, les insectes baissent dès qu'ils sont passés par contre à l'intensité, ce qui est assez marrant, comme action des insectes. Et là, voilà, donc là, on a bien, par rapport à l'astéro, évidemment, la notion d'espace, on est dans l'espace du son, sachant que du fait, par rapport à l'histoire, on est capable de faire de la mémoire, on est capable de faire de l'astéro, on est capable d'inscrire un son à peu près où on veut dans l'espace, on est capable de simuler l'espace, on est capable de faire passer un son à l'intérieur de cet espace. Donc voilà, c'est toutes les questions que l'on a, qu'on se pose évidemment aujourd'hui. On est capable de partager ces espaces, de mélanger des espaces entre eux à distance, si on le veut, dans un même lieu. Est-ce qu'on peut faire cohabiter des espaces différents à l'intérieur d'un même espace? Comment on peut, dans les applications théâtrales, par exemple, intégrer des espaces sonores dans un réalisme de proportion avec l'espace du plateau et le corps d'un comédien? Parce qu'évidemment, quand j'ai mis le premier enregistrement, on a un enregistrement de poulailler, de poulet qui pop, pop, pop, pop, pop, qui est le corps du gars, dans un poulailler, enregistré avec l'exaphonie. Si on met l'exaphonie sur un plateau, comme celui-là à côté de moi, ici en haut, qui est observateur de cette l'exaphonie, on est dans le lieu, on est dans cet espace, mais on va pouvoir donc observer cet espace, être observateur de cet espace, on va le tenir à distance. Quelque part, on va respecter du coup l'échelle de cette prise de son, on a pu la 30 cm, elle n'a pas besoin de faire 10 mètres de haut, donc elle a sa distance. Et si on a la grande hexaphonie, et qu'il y avait tout autour de vous, c'est des poules géantes, il y avait vos picots et le crâne. Donc on voit bien qu'en termes de grammaire, en termes de réflexion sur ces nouvelles créatures qui sont dans l'espace, il y a toute une exploration à mener qui est en train de se mener petit à petit, fort intéressante, sur des règles de proportionnalité, sur des règles de toutes choses intéressantes. Pas le temps d'entrer dans le détail. Donc je vais faire écouter l'autre, quand même, pour en profiter, parce qu'on a appelé sa famille. C'est une entreprise de son qui a été faite déjà, qui d'ailleurs a été faite en pentaphonie, mais en pentaphonie, en fait, qui est faite dans la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Coulin, qui est une acoustique très intéressante et particulière, qui a un ordre de support d'âme. Il y a deux acoustiques, il y a même au sein de la Carrefour commune, il y a un jubé. Si vous êtes un jubé, il est tout en bois, il y a une acoustique de studio, à condition de ne pas exciter l'espace qui est au-dessus, de rester dans une proportion de densité d'un certain seuil, donc le son est vraiment sec. Si vous surélevez, si vous jouez, si vous jouez le plus fort en termes d'intensité, hop, ça part dans l'acoustique du rue, d'où l'acoustique. Donc là, c'est vraiment intéressant. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que. On est capable d'entendre comme un espace en même temps, et de nous situer, de nous repérer à l'intérieur. Donc récemment, je disais que sur ce sujet-là, où le compositeur a travaillé à mixer, à superposer, je crois que c'est 8 ou 12 espaces dans un travail musical, il semblerait que nous soyons capables d'apercevoir plus de 5 en même temps, 4-5 en même temps. Et puis ça dépend de comment c'est situé dans l'espace même. Mais on a fait des expériences au plateau, on arrive à diviser un plateau de théâtre, et à passer d'un espace à l'autre, et évidemment, c'est facile. On passe une frontière stéréo, on a un espace à l'air vers la gauche, et un espace sec à droite. Donc, ça c'est. On va écouter dans cet enregistrement qui a été fait d'un violoniste qui s'appelle Jean-François Beau, qui est un musicien traditionnel. Bon, là, il ne fait pas du tout traditionnel, il fait du son. Ça s'appelle la messe des fous, c'est une messe qui est au Moyen-Âge, on a le droit de faire tout. Souvent dans la vie aussi. Donc il fait la messe des fois en improvisant dans cette cathédrale de Saint-Bertrand-de-Coulanges, mais c'est la prise de son qui est intéressante à écouter, bien sûr. dessine à hauteur, on peut dessiner l'image. On se représente intégralement tout. Alors, et là, c'est, voilà, c'est pour le, je sais plus, j'ose plus dire, pour le musicien, pour celui qui travaille en tout cas avec l'espace sonore. Et je crois que là, ce n'est pas que le musicien, ce sont les plasticiens, l'environnement, les géographes, les architectes, tout le monde peut avoir aussi une transdisciplinarité pour s'interroger voilà, sur ces possibilités-là. Alors, technologiquement, de nouveaux systèmes sont en train d'arriver, en particulier celle qui s'appelle WFS, qui permet avec une seule ligne droite de haut-parleur de resimuler comme ça l'espace. Et l'objectif à terme, je pense qu'à 10, à terme de 10 ans, la recherche va y arriver, peut-être même moins, c'est avec un seul haut-parleur être capable de fabriquer tout un espace, aussi tout un espace. Donc voilà, ça veut bien dire quand même qu'il y a une espèce d'interaction entre l'évolution et la technologie. Toute cette histoire que je vais vous tracer, on peut simplement rapidement vous montrer que c'est en fait des années 40 à aujourd'hui, cette question de la façon de technologie de pouvoir écrire, comprendre, représenter des espaces est devenue quelque chose aujourd'hui de plus que tangible, de vraiment une patte à moduler le travail dans chacun des champs esthétiques. Et on a plus que jamais besoin de deux choses, d'outils d'écriture, parce que comment j'écris avec ça, comment je fais pour organiser des espaces simultanés, etc. Alors, je crois que c'est la parole à Thibault, puisque le logiciel Discord a donc des réponses à ces questions-là, et on a besoin évidemment de l'apport de la façon de là où on vient. Il y a une science qui s'appelle la psychoacoustique, l'université américaine qui a créé cette psychoacoustique qui nous a aidé à comprendre justement les illusions qu'on aurait par rapport au son. Et c'est vrai que cette question de la façon dont on perçoit l'espace est aujourd'hui d'actualité et tellement nécessaire aux expérimentateurs artistes et même pour nous-mêmes que nous sommes pour mieux comprendre comment fonctionne notre écoute avec ça. À pas faire ne serait-ce que déjà de toute l'expérience parfois qu'on fait. Quelques audios qui voilà une opportunité de faire une belle économie aussi, pour n'importe quoi avec ces dispositifs. Ça fait bouger les gens, ça peut faire tourner la tête, on peut avoir y compris des phénomènes physiques, qu'on a expérimenté, déjà rapporté il y a pas longtemps, on en parlait, c'est trop désolé. Voilà. Bon, j'ai pas dit 80% ce que je voulais dire, je me suis égaré sur les intercalles, parce que l'objectif d'arriver à donner la parole à Thibault pour parler de même des utilisateurs. Avec des lasers, avec des choses comme ça, on peut gérer tout un tas de choses. On peut récupérer des informations depuis Internet. Et ensuite, l'idée, c'est une fois qu'on a récupéré, on a accès à toutes ces informations, de pouvoir les organiser dans l'espace et de pouvoir créer aussi bien, de pouvoir les composer dans l'espace, aussi bien que de pouvoir interagir en temps réel avec elles. Donc créer des fenêtres, des temps composés et des fenêtres d'interaction, d'improvisation éventuellement, de pouvoir librement dans le temps passer d'un état écrit à un état agi. Donc voilà à quoi ressemble le logiciel quand on arrive dedans de base. Donc, on a une espèce d'espace ici qui est vide, qui correspond au scénario initial. À l'intérieur duquel on va pouvoir ajouter tout un tas de process, tout un tas d'automation. Et alors juste avant que vous n'arriviez, ça c'était juste pour vous montrer, j'ai fait moi-même un tout petit scénario comme ça pour illustrer très vite ce qu'on peut faire. Donc je vais commencer par les états de base. Chaque boîte correspond à un scénario, parce qu'on peut entrer dans chaque boîte et se concentrer uniquement sur chaque boîte. Donc on peut considérer chaque petite boîte comme un environnement, qui est soit donc un environnement d'écriture, soit d'interaction, de mapping, plein de choses. L'intérêt, quand on gère les données dans le temps, c'est de pouvoir avoir un déroulement construit, mais de pouvoir aussi éventuellement faire en sorte que les logiciels nous attendent quand on n'a pas fini une partie, quand on est resté un petit peu plus dans un état, ou qu'on aimerait au contraire passer à l'étape suivante avant même que la boîte soit complètement finie. Donc là, par exemple, dans ce petit scénario, si je lance la lecture, on voit qu'il y a une timeline tout en haut de l'écran qui se lance, et on a une autre petite timeline dans le logiciel, on appelle ça intervalle. Donc on a le petit intervalle qui est ici, qui lui est en pointillé. Et vous voyez que, alors que l'intervalle parent est en train toujours de continuer la lecture, nous, on est resté dans cette petite boîte, et tant que le déclencheur n'est pas activé, on restera dans cette petite boîte. Si je le lance maintenant, le déclenchement est activé, donc on a deux temps superposés qui vont cohabiter sans problème. On peut arrêter aussi. Donc pour vous expliquer très vite les petites boîtes que j'ai là, j'ai connecté un contrôleur MIDI que vous pouvez trouver partout, pas très cher, qui est très utile, avec tout un tas de sliders, de petits potentiomètres qui ressemblent à une table de mixage. Mais l'avantage, c'est qu'on peut récupérer la position de chacun de ces contrôleurs et de les récupérer comme des valeurs neutres dans le score pour ensuite les assigner à son niveau. Donc il pourrait, chacun d'entre eux pourrait contrôler un volume, une intensité lumineuse, un effet vidéo, ce qu'on veut. Pour ça, j'ai fait un tout petit script ici en JavaScript. Donc ça paraît peut-être un peu gros comme ça, mais en fait c'est vraiment très, très simple. La syntaxe est très accessible, c'est pour ça que le choix est fait de ce langage-là, qui me permet de récupérer, ici j'ai le contrôleur qui s'appelle MiniDevice, qui me permet de contrôler toutes les valeurs qui sont dans ces conteneurs de valeurs. Donc là, vous voyez, si je bouge certains capteurs, on voit que les valeurs changent. Ce que je veux faire, moi, c'est assigner ces valeurs à d'autres paramètres pour pouvoir contrôler quelque chose d'intéressant. Donc ici, si je... j'ai un autre device donc, qui correspond à une couche logicielle que je vous montrerai après, qui est ce qu'on utilise à Bordeaux pour gérer la spatialisation du son. Tous les paramètres de ce programme-là me sont directement accessibles dans le score, donc je peux regarder un petit peu ce que j'ai là, donc j'ai beaucoup de choses. Je vais pouvoir absolument tout contrôler directement, rien qu'avec cette petite boîte qui va m'autoriser le contrôle tant que la boîte est en lecture, et dès que la boîte s'arrêtera, on peut réutiliser et redistribuer ces contrôles absolument comme on veut. Donc, par exemple, là, je lance la lecture. Voilà. Je lance la lecture, je suis dans la boîte et on voit que maintenant, quand je bouge un contrôleur, c'est directement les malheurs de mon autre device qui bouge. Si je vais dans cet autre logiciel, je vais voir que je les récupère directement. Toutes. Voilà. Donc ce logiciel qui va contrôler la spatialisation, je vais pouvoir à la main déplacer les sons dans l'espace comme je veux. Vous ne pourrez pas l'entendre ici parce que c'est pas fait pour ce dispositif-là, c'est fait pour le dispositif qu'on a à Bordeaux. Je vous en ai fait une version au casque. Donc en fait, avec les dispositifs de spatialisation qu'on utilise, on peut recréer des illusions sonores, des illusions de déplacement sonore au casque. Donc si vous voulez venir me voir après, un par un, on va vous montrer à peu près comment ça sonne en vrai, si vous étiez à Bordeaux. Donc voilà, j'arrête. Vous montrez ta photo. Voilà. Comme ça, on comprend mieux. Donc voilà, c'est dans ce dispositif qu'on travaille. 18h05, organisé en demi-sphère autour du spectateur. Et dans ce cas-là, je vais faire un petit tour du logiciel. C'est un dispositif assez répandu qui permet en fait de reproduire assez fidèlement les champs sonores, que ce soit des champs sonores enregistrés ou que ce soit des sources virtuelles, des synthétiseurs, du son synthétique. On peut mélanger tout ça et avec différentes technologies recréer un espace qui n'est pas là. Donc, si je vais dans ce logiciel qui s'appelle Super Collider, qui est un environnement textuel en fait, qui permet d'intégrer à peu près n'importe quel type de synthétiseur. Et de les mettre ensemble dans un algorithme et d'assigner différents contrôles. Comme on est un centre de recherche art sciences, j'ai fait en sorte que toutes les technologies utilisées pour la spatialisation du son soient des fruits de recherche en cours ou terminés. Donc on utilise plusieurs technologies ici qui sont le fruit de, par exemple, on a la suite en Bluetooth, qui est le projet de thèse de Pierre Lecomte, du CNAM. On a son portage par M. Florian Goron, qui est à l'Université de Montréal. On a aussi un décodeur qui est fait par Aaron Heller de McGill, je crois. Enfin, plein de gens de l'université qui ont beaucoup travaillé sur la spatialisation du son. Une fois que je suis dans Super Collider et que j'ai pu gérer... Super Collider est absolument libre et gratuit. Tout ce qu'on utilise est absolument libre et gratuit. Donc, vous pouvez avoir tout ça sur votre ordinateur gratuitement et gérer dessus. Une fois qu'on a instancié tous ces projets de recherche et qu'on les a rendus accessibles, on utilise la librairie OSIA, qui est donc le gros projet qui est en lien avec SCORE, qui permet justement cette communication directe entre SCORE, entre chef d'orchestre et une bibliothèque de beaucoup de logiciels différents, notamment Pure Data. Il y a eu un portrait sur Max MSP que personne ne connaisse, Open Frameworks, Unity. Voilà. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Voilà. Donc si je retourne dans SCORE maintenant, je vous ai montré ce premier petit scénario, je vous ferai écouter ce que ça donne tout à l'heure, qui en fait récupère chacun des potentiomètres de mon capteur et l'assigne à une variable, à un paramètre de mon programme. Ce que je peux faire, donc là c'est uniquement de l'interaction, c'est moi qui décide, c'est moi qui, en temps réel, trace dans l'espace les trajectoires. Je peux aussi, si je voulais le faire une seule fois, juste mapper directement avec un process qui s'appelle mapping et qui me demande une source. Donc là, ma source, ça va être le MIDI device, donc cette chose-là, qui a des valeurs entre 0 et 127, et ma cible qui est donc ce paramètre-là qui va être l'azimut, la position du son sur un cercle horizontal autour du spectateur. Donc en tournant simplement ce petit bouton ici, je peux maintenant faire tourner le son autour du spectateur. Une fois que cette boîte-là sera terminée, cette interaction sera finie et mon petit bouton est libéré pour contrôler autre chose si je le dis. on peut aussi, donc si on sort de l'interaction, on peut aussi dessiner entièrement nos mouvements spatiaux avec toute une batterie de courbes et d'automations possibles qu'on peut gérer de A à Z et vraiment faire des dessins dans l'espace. Alors là, je vous parle d'espace parce que c'est le sujet de la journée, mais on pourrait tout à fait considérer que cette courbe-là correspond à la hauteur ou à un paramètre d'un synthétiseur, par exemple, ou à un modèle physique, une fluide synthétique. On pourrait donc faire une idée de cette courbe-là. L'intérêt d'avoir fait ça aussi, d'avoir pensé à ce séquenceur avec un espace vide au milieu qu'on peut créer avec uniquement ce qu'on a besoin et de ne pas être bloqué par piste, en fait, au lieu d'avoir une piste par paramètre, comme c'est le cas chez notre concurrent Laser, qui lui est payant. Ce qu'on peut faire, donc, ils appellent ça le muséographie, on place absolument ce qu'on veut dans cet espace, et on a donc un déroulement temporel avec différentes contraintes. Une fois que je suis passé ici, j'ai un trait vertical qui relie mes deux boîtes ensemble et qui font que leurs déroulements sont absolument synchronisés. Mais je pourrais vouloir avoir un déroulement désynchronisé ou alors avoir carrément un embranchement dans le temps en fonction d'un paramètre, peut-être quelqu'un qui sort de scène, peut-être une valeur captée par n'importe quel capteur, peut-être une caméra, qui me donne une valeur qui va à ce moment-là me dire tu vas choisir le deuxième scénario plutôt que le premier. Donc pour faire ça, donc c'est-à-dire soit partir continuer le scénario avec cette boîte-là et continuer éventuellement plus loin aussi si on veut rajouter la dynamique. Soit tu vas lire ce bout de scénario-là. Pour ça, il suffit en fait de sélectionner cet état-là qui pour le moment est synchronisé et de lui dire, vous voyez bien ici, voilà, de ranger cet état-là dans un autre événement. À ce moment-là, on voit que la petite barre verticale est maintenant en pointillé, ce qui fait que ces deux événements, pour le moment, arrivent en même temps, mais ne sont pas dépendants des mêmes conditions. Donc on peut maintenant ajouter des conditions qui ressemblent à ça. Une condition ici et une condition là. Et si je regarde ce que me dit cette condition, pour le moment, elle est vraie. Donc elle est vraie dans tous les cas. Si je lis ce bout du scénario, la contrainte va être remplie, donc la condition va être satisfaite. On va pouvoir continuer ce bout de scénario. Celle-là, par exemple, juste pour un exemple, je vais lui dire qu'elle est fausse. Voilà, celle-là est fausse. Donc maintenant, je l'ai écrit en dur. Pour le moment, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de règles qui me font choisir mon embranchement. Si je pars dans mon scénario et que j'arrive à ce moment-là, les conditions sont grisées, elles ne savent pas encore si elles vont partir. Et maintenant, j'arrive là, et donc une est vraie, le scénario continue avec la timeline du haut, et celle d'en dessous ne sera pas jouée. Voilà. On peut inverser, évidemment, comme on veut, on peut dire que la première est fausse, ou alors on peut dire que, par exemple, la première condition est satisfaite si une certaine valeur n'est pas égale à, disons, 5. Et cette valeur, je vais aller la chercher dans mon premier device. Cette valeur, ça va être, par exemple, cette valeur. Je le prends au vif. Il suffit que je glisse et que je dépose pour que le logiciel soit conscient de où chercher la valeur qui va définir la condition, qui va remplir la condition. Donc là, je vais bouger un petit peu la valeur, celui-là, et il faut qu'il soit supérieur, on va dire, à 5. On va continuer avec 5, et on va l'assigner à la même valeur. Donc on va bien voir ce qui se passe. Si je suis en lecture maintenant, je passe au suivant, et là, donc j'étais donc pas égal à 5, donc c'est bon, le premier était validé. suis là, excuse-moi, je parle dans mon ton. Ça, c'est important. Et donc voilà, maintenant. Voilà, les deux sont vrais. Et maintenant, je peux continuer. Donc, avec ce, simplement ce slider, qui aurait pu être un slider, ou qui aurait pu être la position de quelqu'un dans l'espace, qui aurait pu être n'importe quoi, j'aurais pu décider quelle partie de mon scénario, de ma partition, je joue, laquelle va jouer, lesquelles sont jouées ensemble, lesquelles sont des synchronisées. Donc, ça, c'est le cœur de score. Donc, ce que je vous ai montré, là, le temps souple, qui dépend d'un déclencheur. Le déclencheur lui-même, peut être assigné à une valeur. Là, pour le moment, je lui ai dit qu'il était faux, donc il m'attend, il attend que je clique dessus, mais il pourrait aussi attendre qu'une certaine valeur soit supérieure ou égale à la valeur de mon capteur. Il y a les intervalles ici, où il y a toute une batterie de process qu'on peut intégrer, donc je vous ai montré. En bas, c'est le spline, c'est ce qui nous permet de tracer ces courbes. On a le mapping qui nous permet de joindre une valeur à un paramètre. Et on a le JavaScript que je vous ai montré au début qui permet de faire ça à des plus grandes échelles. Par exemple, là, j'ai mappé en un seul script les 19 capteurs de mon device. On a aussi plein d'autres choses et de plus en plus une batterie d'add-ons de se faire avec très bientôt l'intégration du Markov Oracle qui est donc un Factor Oracle. Markov, c'est pas pour tout de suite, qui est un programme qui improvise avec des variables. Donc en fait, on peut lui envoyer différents paramètres et lui, dans le premier temps, il va écouter et dans le second temps, il va commencer à se dire qu'est-ce qui pourrait être la suite. De la cohérence des valeurs qu'on lui a envoyées. Et donc tout ça commence à être intégré. On peut aussi avoir des process qui gèrent la couleur, les variations de couleur d'une vidéo, de tout ce qu'on veut. Donc si je vous fais un petit historique de score. En fait, on va dire un petit mot pour juste historique. Oui. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est clair l'utilisation qu'on peut faire de l'intérêt de ce logiciel, le scénario qui est imaginé, je pense aux arts plastiques. J'imagine pas les arts plastiques, c'est que les plasticiens passent à leur main parce qu'ils le temps, en fait. Enfin, un musicien qui tape sa vie dans le temps. Et donc, soit il y a des problèmes de dire on construit l'installation à un instant donné. Quoi. Et puis, c'est comme s'il était l'immeuble à l'infini. En fait, des gens rentrent, des gens sortent, des gens s'arrêtent, il y a plein de monde, il y a personne, il y a quelqu'un, il y a toute une aventure en fait. De déplacement de moment et du temps. Et donc, un logiciel comme là, il n'y a pas tellement de moyens avec ce problème. Un logiciel comme Discord qui gère des scénarios, des multi-scénarios, parce que là, on voit que deux boîtes. L'intérêt, c'est qu'évidemment, on fait autant de boîtes pour ce qu'on a besoin, intégrer des boîtes, on va capturer des boîtes, on a toutes les contraintes que tu viens de montrer. Donc, on peut bien imaginer, là, je vois que. Décrit en fait du multiscénario pour une installation, et je sais que ça, là pouvoir, en fonction de deux personnes, de trois personnes, je sors, je rentre, modifier le scénario. Donc ça, c'est super, très important, quoi, sur la fameuse écriture des comportements et du temps. Moi, je ne sais pas vraiment bien, mais c'est mieux le redire, vous imaginez aussi qu'il y aura un espace musée à la gérer avec 15 salles différentes. Je sors la lumière s'éteint, s'allume, une vidéo, le contenu d'une vidéo bouge en fonction si c'est des enfants, des adultes, de leur langue. Tous les médias bougent, la lumière bouge, tout le musée est interactif en permanence. Et pour gérer cette interactivité permanente en fonction du public, d'un groupe ou de quelque chose, c'est Discord permet de gérer ce genre de choses. Peut-être aussi ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que les pentes et les courbes, les comportements qui sont écrits, dessinés dans des boîtes aussi, peuvent s'appliquer évidemment à n'importe quel paramètre, c'est ce qu'on voit dans le mapping, ce que Thibault vient de montrer, peuvent s'appliquer à n'importe quel paramètre et n'importe quel média. Donc les gestes que tu montres avec le tas rotatif, ça peut être un capteur caméra, ça peut être tout autre type de capteur qui va du coup gérer le comportement. Puis le même comportement peut s'appliquer appliquée à plusieurs paramètres de même composant, ça applique au déplacement du son, à la fermeture d'un rideau, l'ouverture d'un projecteur, par exemple. Donc c'est vraiment un logiciel d'écriture de comportement intermédiaire. Donc, c'est super, quelque chose d'un outil dont on a vraiment besoin aujourd'hui, par rapport à toutes les questions qu'on a évoquées dans le portail chaîne applicative. Ça pourrait gérer les flux dans une vidéo. Faire reprendre par des images pour ceux qui sont pas liés avec la vie de ces questions-là et comprendre l'intérêt de ce. Voilà, donc là par exemple aussi ce que je peux faire, si j'ai beaucoup de paramètres à composer en même temps, parce que ça c'est un gros problème. Ici vous voyez j'ai beaucoup de choses à gérer. Et là je ne contrôle qu'une petite courbe à la fois. Donc c'est fastidieux, c'est important de pouvoir contrôler une seule source à la fois et qu'un seul point à la fois si on veut être très précis, si on a quelque chose de très important en tête. Mais on peut aussi faire ce que je viens de faire, qui est l'interpolation. Donc j'ai choisi tout un tas d'états de valeurs, en fait, d'états de mes paramètres, que j'ai mis dans un nœud. Et ensuite j'ai changé toutes ces valeurs. Et puis je l'ai mis dans un autre nœud, et ensuite l'intervalle entre les deux, je lui ai dit, mais fais-moi l'interpolation entre les deux. Et donc, voilà, là, si je prends là, je suis à 39, moins 4, moins 2, 0. De l'autre côté, je suis à voilà, 74, 4000, enfin beaucoup, 30, voilà, et il m'a fait la courbe qui relie chacun de ces points. On pourrait le faire avec 50 paramètres en même temps aussi. Ça accélère beaucoup le processus. Alors maintenant, je vais vous parler de la communication directe, qui est le nouveau possibilité qu'offre Score. Donc là, on a récupéré la valeur de ce petit capteur au début, que j'ai tout simplement branché en USB. C'est un peu différent quand je vais chercher un paramètre qui est qui appartient à un programme extérieur. Donc là, ce qu'on peut faire pour récupérer ça, c'est qu'on peut les envoyer par le réseau. Et donc Pierre Cochard en particulier, qui est mon prédécesseur au Stream, a développé tout un protocole de communication entre Score et SuperCollider, mais ce même travail a été répliqué sur beaucoup d'autres logiciels, notamment PureData, MartinSP, dont j'ai parlé. Et ce protocole s'appelle OSCQuery, et qui nous permet d'envoyer, donc de rendre accessible par le réseau différents paramètres. Et pour ça, on utilise la bibliothèque OSIA, qui vient de sortir d'une résidence à Lyon. Et qui finalement a été un projet très très suivi pendant toute l'année passée, où on a rendu Score, qui était à la base vraiment un logiciel de recherche fait par les chercheurs, plutôt utilisé par les chercheurs, on l'a rendu accessible au plus grand nombre en permettant ces communications faciles. Donc par exemple, on peut voir, peut-être que ça ne parle pas à grand monde, je ne sais pas, quelqu'un qui connaît SuperCollider. Bon, voilà, c'est juste un environnement, encore une fois, libre et gratuit, dans lequel on peut insérer tout un tas de synthétiseurs. Et ensuite, avec la librairie OSIA, qu'on peut voir instancier ici, OSIA Device, je lui ai donné un petit nom, et ensuite on expose le serveur au réseau. Et dans différentes définitions, on va nommer et attribuer chacun de nos paramètres. Donc on va leur donner une valeur de départ, une valeur maximale, une valeur par défaut. On va leur dire que si jamais le paramètre se répète, il ne faut pas le faire au logiciel, il ne faut pas charger le réseau. On va pouvoir créer tout un tas de spécificités pour chacun de nos paramètres. Et une fois que c'est évalué, une fois que c'est créé dans le code, ben, par exemple, là je vais faire quelque chose que je n'aime pas trop faire, mais juste pour vous montrer. Tous ces paramètres, je vais tous les supprimer. Voilà, et je vais cracher Score. j'y suis, je le sélectionne. Donc là, je suis vraiment reparti de zéro, je lui dis OK, et ça y est, j'ai absolument tous mes paramètres directement accessibles dans Score. Donc il correspond à une centaine de paramètres. Au lieu d'avoir à les rentrer à la main et s'assurer de. Là, maintenant, je suis tranquille avec ça. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer pour la communication. Juste pour vous faire un petit historique, donc iScore était un projet de recherche à la base qui a commencé autour de 2010 avec le logiciel Voxel. Le logiciel Voxel ici, qui a été développé par Myriam de Sainte-Catherine et Anthony Berivé, et qui était un logiciel qui ressemble un petit peu, l'interface est très désuète maintenant, c'était 2000, mais qui lui s'intéressait qu'au son. Donc en fait, c'était un système de boîte, pareil, mais dans lequel il y avait du son, des informations sonores, et il fonctionnait avec un modèle donc, mathématique, qui est l'algèbre d'Allen, et qui permet simplement de définir dans le temps, qu'est-ce qui est avant un événement, quel événement arrive avant, quel événement arrive pendant un autre, comment les événements se superposent, se dépassent, et avec ça, vous pouvez composer le temps d'une nouvelle manière avec un modèle scientifique. Ensuite, on est passé dans l'environnement Open Music, peut-être quelqu'un connaît, qui est très utilisé par les compositeurs, notamment à l'IRCAM. Et dans Open Music, il y a eu un début de score qui a été implémenté, mais qui était uniquement réservé à l'usage des paramètres internes à Open Music, qui n'était pas encore ouvert sur toute une partie de logiciels. À ce moment-là, les développements de score, ils se sont dit, mais ça serait bien qu'on ait des boîtes vides et qu'on puisse partir de zéro et absolument créer tout ce qu'on a dans ces boîtes-là et créer leurs liens. Et donc, LibScore de Raphaël Marzac a été développé, qui était uniquement en ligne de commande pour le moment, donc sans interface graphique, qu'on devait rentrer directement en code, mais qui était basé sur un autre modèle scientifique, qui s'appelle les réseaux de Petri, et qui consistait à résoudre ce genre de problème. Quel événement, quand on gère une somme d'événements dans le temps, lesquels arrivent à quel moment, lesquels doivent être gérés en premier, lesquels doivent être superposés aux autres. Donc ça a été une bibliothèque qui s'appelle LibScore en C++, qui a ensuite, sur laquelle se sont basés tous les développeurs qui ont suivi pour amener à Score. En parallèle, on a eu la CosmoScribe de Jean-Louis Dicento, qui est d'abord musicologue, et qui lui, pour revenir un petit peu sur ce que Thierry disait sur l'écriture, a formalisé dans une certaine limite les travaux de Pierre Schaeffer avec un système visuel, cette fois-ci, donc de petites boîtes, pareil, toujours basé sur l'idée de petites boîtes, dans lesquelles il y a un objet sonore avec des différents symboles qui informent sur sa longueur, sa tessiture, son grain, son rythme. Il y a eu ce projet qui a été développé un petit peu en parallèle et qui lui était plus destiné à de l'analyse musicale, mais on pouvait aussi faire de la musique avec parce qu'il y a eu une sous-couche qui a été faite sur MaxMSP par Joseph Larade qui s'appelait la CosmoSynth et qui était un synthétiseur qui en fait lisait ces petites boîtes avec ce symbole et qui les interprétait directement en musique. Aujourd'hui, moi je vais vous demander si ça serait bien d'en refaire un. Puisque l'interface graphique d'iScore aujourd'hui permet beaucoup de choses et a déjà beaucoup amélioré en fait le côté visuel. Depuis cette LibScore, il y a eu donc le séquenceur Virage qui était un petit peu la première génération de Score et dans lequel il n'y avait pas encore d'interaction, donc on ne pouvait faire que de la composition. Et doucement est venue l'idée du temps souple et des déclencheurs qui permettent justement de se retenir dans un état, de se retenir dans un temps, alors que le temps global continue, et de finalement déclencher les événements seulement à des moments où on le décide. Donc le virage aussi avec les cases, là, qui veut dire que le virage est quand même important, parce que vous avez financement assez conséquent comme consortium national, pour interroger l'ensemble de la profession spectacle vivant tout confondu, j'ai un plus cache, etc., qui était confronté à l'arrivée des outils numériques, avec plein de problèmes de complexité entre les outils, les machines, les protocoles, etc. Et donc, le cahier des charges a été fait, en fait, qui a permis des charges nationales, une requête par rapport à la situation d'expérimentation, etc., qui ont permis effectivement de lister toutes les demandes, les tensions, les voies, toutes les questions qu'on vient d'évoquer, qui ont permis du coup de faire des bases pour pouvoir définir qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce séquenceur et donc après le premier prototype de séquenceur d'image. Voilà. Qui était allongé un cahier des charges, en fait. Voilà. Et on a considérablement orienté le projet. Oui. Dans ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et donc. Alors, qui a amené déjà un an aussi. Voilà. Alors, on revient ici de l'abri GMA, Thierry est au courant. Pardon, l'écran est un peu limité là, mais c'est de l'abri GMA aussi. Donc, qui a été donc ce cahier des charges et qui a fini par donner naissance à Jaume, qui a été l'une des premières versions de la librairie du protocole OSIA, qui utilise cette capacité logicielle qui s'appelle Bonjour, qui a plusieurs noms et qui permet justement d'aller chercher tous les paramètres d'un programme et de directement pouvoir les manipuler avec ce qu'on a. Donc Jaume est maintenant un peu obsolète, mais l'idée était là et l'idée a été reprise pour la bibliothèque aussi. Donc pour en venir à notre plus récente collaboration, grâce à ce protocole qui donc passe par le réseau, on a pu avoir Pierre Cochard, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, à Almi, aux côtés de Nicolas Carrière, qui se sont penchés sur le système de spécialisation WFS. Et Pierre Cochard a assuré la communication des paramètres de la WFS avec SCORE. Et de mon côté, j'étais moi à Bordeaux, dans le dôme qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai fait pareil que j'ai fait tout à l'heure, j'ai évalué mon code, et donc tous mes paramètres étaient disponibles sur le net. Donc Pierre étant à Albi, tout ce qu'il a eu à faire, pas tout ce qu'il a eu à faire, mais au final, tout ce qu'il a eu à faire, c'est exactement ce que je viens de faire là, d'ouvrir la recherche de device et de chercher le device qui était le mien. Et il a pu contrôler le dôme de son 360 depuis Albi, en contrôlant en même temps la WFS à Albi. Donc le public à Albi déplaçait des sons sur un iPad, donc au lieu d'avoir un capteur comme ça, il avait une tablette Android. Et moi j'entendais dans le dôme, avec plusieurs personnes, on entendait les sons se déplacer comme à Albi. Donc c'est ça le gros avantage. Et inversement. Il y avait des séquences comme ça où un premier objet sonore, on peut dire, était placé dans l'espace et déplacé dans l'espace par le public d'Albi. Et à la séquence suivante, c'était à nous de faire la même chose. Et donc on entendait les déplacements dans le dos et Albi entendait une version, parce que les dispositifs sont quand même différents, mais ils entendaient une version de cette trajectoire en temps réel. La complexité du sujet, il y a deux systèmes différents. C'était pas l'objectif premier, c'était d'avoir le même système à différents endroits pour pouvoir être cohérent dans une co-construction d'espace. Voilà. Et donc, les paramètres ne sont pas exactement les mêmes entre nos deux structures. On a dû utiliser tous ces processus donc de mapping et de JavaScript que je vous ai montré pour adapter mes données que j'envoyais à Pierre à la WFS et adapter les données de WFS qui m'étaient envoyées pour que moi je puisse les lire et en faire quelque chose de digne sur le dos. Donc c'était un succès. C'était une première. C'était une première. Et c'était, ça a assez bien marché. Et donc voilà, c'était à peu près ça que tout est lire. Tout reste à faire. Donc beaucoup du développement est fait autour de la société beaucoup du développement de sort. Mais l'idée, c'est qu'avec les prochaines collaborations, Passerelle qui est très orientée recherche, on va pouvoir arriver à et ramener le score dans la recherche pour pouvoir développer donc ces improvisateurs, qui fait qu'on va, on va bientôt plus avoir besoin en fait de communiquer entre amis, on met des gens en, en relation, on va pouvoir mettre des gens en relation comme ça, mais on va pouvoir aussi communiquer directement et échanger, créer des duos improbables avec la machine. Et inversement, on va pouvoir avoir des gens qui ici communiquent avec notre improvisateur là-bas pour nous. Voilà, tout, tout est encore à faire et visibilité sur. Voilà. Donc je tiens à remercier Thierry de son aide et tout ça et à vous de.